La rue nous rend rusée. Un jour elle nous tuera. Seul sur le banc des accusés. Y'aura aucun miracle. C'est toujours la faute à pas de chance. Libérable, je fais des potences. Quand tu travailles, je suis en vacances. J'oublie rien, je prépare juste ma vengeance. Je tourne tout seul dans Paname. J'attends qu'il libère Zlatan, ouais. Nouvelle bague pour madame. Avant que je finisse mes notes. Ici on sait qui est qui. Y'a pas de copain copine. Tu te souviens de ma routine. Elle a bien changé depuis. Encore une dinguerie. Pourquoi tu demandes, ça ne te regarde pas. Quand y'a des soucis, on les voit plus. Les Pablo, Tony Montana. Des problèmes gros comme une montagne. On arrive à les surmonter. Aucune bitch ne m'accompagne. C'est la madre côté passager. Je remonte dans le Audi. Je sais que ça leur plaît pas. C'est pas tard, tu sais qu'on est maudits. Regarde 10 ans plus tard. J'arrête quand j'encaisse un gros paquet. C'est ce qu'on disait avant le parquet. Ils ont tous retourné leur jacket. L'amitié coûte une plaquette. La tremme fait 10 ans. Le bave veut 20 ans. On sert un verre de vodka. Pour me dire ce que tu me dis pas. Ils diront que t'as changé depuis que tu prends du papier. Parti d'en bas, on a grimpé. J'dois rien à personne, moi. Rien d'impressionnant, mais j'en suis persuadé. Ils font les blindés, mangent des potes toute l'année. J'ai pas choisi ma vie, j'ai fait les bons choix. Parti de tout en bas, fallait s'accrocher. Ce mec est bon, mais sa femme, c'est une poutarde. Autour de lui, que des bâtards. Garde-garde, dépôt, placard. À Paris, vent, promenade.